emprise. Construction. Proposition. Démarrage. À froid, à chaud. De se lever maintenant à nouveau, serait-il l'heure, mon Seigneur, de se lever à nouveau pour créer une nouvelle ère, pour créer un nouveau kingdom, a new king. Serait-il l'heure à nouveau de se lever? À nouveau, serait-il l'heure, serait-il l'or, serait-il l'or, serait-il l'or, à nouveau. De se lever à nouveau. Serait-il l'or, serait-il l'or, serait-il l'or, à nouveau. Nouveau millénaire. Serait-il l'heure, serait-il l'heure, à nouveau, mon frère, de se relever à nouveau. L'or. Thank you. tempo. You did. Thank you. Thank you. j'attends de plus espérer. Toi, mon toi, mon tout.